Chapitre 50e, le traître. Zigoma reprit. Beaucoup d'entre vous, mes amis, se trouvaient dans le grenier de Zulma, le jour où nous avons pris Paulin Broquet, cet adversaire admirable, merveilleux. À l'audace, au courage de Paulin Broquet, toujours Zigomar s'est plu à rendre hommage. Aujourd'hui plus que jamais, aujourd'hui qu'il est sûr de le tenir, qu'il sait comment l'atteindre, qu'il est certain de le vaincre. Paulin Broquet donc, pris par nous et mis à la torture, endura les pires souffrances, et essaya quand même, horriblement meurtri et prêt à mourir, de nous cacher la vérité. Nous n'avons pu pousser cet homme héroïque à trahir les siens. Saluons encore une fois notre adversaire, dont la défaite sera notre plus grande gloire. Eh bien, ce que ce chef de policier a fait, simplement, loyalement, grandement, par devoir, sans attendre d'autre satisfaction, d'autre récompense avant de mourir, que de sentir sa conscience en repos, cet homme, qui se dit votre chef, votre maître, cet homme qui réclame de vous le serment d'être à lui jusque à la vie, à la vie, à la mort, hurla l'assemblée frémissante. Cet homme, tombé dans les mains de Paulin Broquet, du policier, du détective, tout seul, d'un seul homme, n'a pas eu le courage de supporter une petite souffrance, n'a pas eu le cœur de donner l'exemple, n'a pas rempli son devoir. Il a failli à sa mission, à sa conscience, à l'honneur dont il se paraît. Il a trahi Zigomar, tous ses frères, et il s'est trahi lui-même. « C'est faux, c'est faux !» voulut crier le prisonnier. « Il a vendu contre sa liberté, vous entendez bien, contre sa liberté. Il a vendu à Paulin Broquet les secrets de notre association, de nos projets, de notre barbotière, le secret de la baleine, notre dernier refuge. « tu mens !» dit le prisonnier désolé. « C'est lui-même, mes amis, qui va à l'instant en donner la preuve. Il la porte écrite sur lui. Vous allez la lire. » Voici ce qu'il y a. Chez Miss Hidden, tel jour, j'ai trahi mes compagnons, vendu les aides, signé Zigomar. En entendant ces mots, l'assemblée frémit. Elle voulut se ruer sur le malheureux, qu'à grand-peine protégeait les assesseurs en cagoule rouge et quelques aides, qui depuis un moment s'étaient rangés devant la tribune pour former comme une barrière humaine. Zigomar réclama encore le silence. Ce que je dis est tellement grave que je dois vous en donner immédiatement la preuve. « Lisez, mes amis, lisez les lignes que le stylographe infernal de Paulin Broquet, plein d'acide sulfurique au lieu d'encre, a tracées sur les épaules de cet homme. » Il fit un geste aux assesseurs en cagoule rouge. « Allons, puisqu'il est marqué à l'épaule, mettez-le au pilori. » Les assesseurs alors, brusquement, arrachèrent au malheureux le restant de cagoule aux grands aides dorés, comme s'ils le dégradaient, et lui enlevèrent ses vêtements, mirent à nu son dos, ses épaules. Et les aides épouvantées, purent lire les lignes horribles tracées en lettres de sang que cet homme à jamais garderait sur les épaules. Ce fut une nouvelle ruée, un nouvel assaut de fourbans assoiffés de vengeance. « à mort » hurlait-il. « Donnez-nous cet homme, à mort !» Paulin Broquet s'était avec les autres avancé. Il se rappelait non sans émotion avoir déjà entendu ses cris de mort qu'on proférait contre lui. Et il avait vu cette ruée vers lui. Il connaissait, l'ayant éprouvé, la sensation d'angoisse qui étreint les plus courageux quand ils se trouvent en face d'une meute humaine, voulant leur mort. Il savait la dose d'énergie, de volonté qu'il faut pour dominer sa chair et ses nerfs, pour être soi seul, plus grand, plus fort que ses forcenés. Le corps, et qui dira le contraire, mentira, le corps a toujours peur, c'est l'âme qui est vaillante. Le meilleur athlète, au commencement de la lutte, du combat, devient pâle. Et, disaient les anciens Grecs, c'est celui-là qu'il faut craindre. Les vieux grognards de l'époque héroïque, malgré eux, saluaient le premier boulet. C'était la concession faite à la nature, la suite regarde l'âme, et le corps n'a plus qu'à obéir, à se porter au-devant des coups. L'âme de Paulin Broquet, admirablement trempée, lui avait permis de regarder sans trouble cette horde d'assassins qui réclamait sa vie, de sourire, d'être au-dessus du péril, et de se montrer plus grand que la mort dont on le menaçait. Mais l'homme, qui ce soir se trouvait dans la même situation que lui autrefois, ne donnait pas, comme lui, le même spectacle de belle vaillance, de courage. Non pas pâle comme le meilleur athlète, mais exsangue, comme ceux dont le cœur ne marche plus, lui, ah, il ne souriait pas. Sa figure convulsée gardait un rictus effroyable, ses yeux semblaient sortir de la tête et ses dents claquaient. L'horrible tableau que cette déchéance d'un homme, qui n'est plus qu'une bête affolée, pantelante. Zigomar, cependant, non sans peine, avait pu maintenir les aides et obtenir à peu près le silence. On entendait encore la foule gronder comme les fauves à qui on montre la proie qu'on tarde à leur jeter. Zygomar regardait l'homme qui, dans sa frayeur, se reculait, cherchait un abri derrière les assesseurs en cagoule rouge et il dit « Voilà celui qui se disait votre chef. C'est cette loque misérable qui se prétendait Zygomar. » Il ajouta « Ce misérable porte bien sur lui la preuve de sa trahison, écrite par Paulin Broquet, à qui il s'est vendu. » Alors il cria « Mes amis !» C'eût été un beau coup pour Paulin Broquet de marquer ainsi l'infamie de Zygomar, mais Zygomar veillait, et cette honte ne pouvait nous être infligée. « Cet homme a trahi. Oui, il s'est vendu à Paulin Broquet. » Mais le Paulin Broquet qui, sur les épaules de ce misérable, traça ainsi la honte de Zygomar, c'était Zygomar, c'était moi. C'est à moi que ce traître s'est livré, et c'est moi qui lui ai marqué son infamie sur l'épaule. Voyez, c'est signé Zygomar. De nouveau, les aides hurlèrent. Vive Zygomar, à mort le traître. Donnez-nous cet homme, à mort. Mais Zygomar étendit les bras, et dans le silence qu'il conquit enfin, il put dire « Non, mes amis, je ne vous donnerai pas cet homme. Ce n'est pas nous qui nous chargerons de son exécution. Le tuer ici, pourquoi? À quoi bon? Il en aurait trop vite fini, et notre vengeance ne serait pas satisfaite. Il faut qu'au moins une fois cet imposteur serve à Zygomar. Ce misérable a cru se vendre à Paulin Broquet. C'est, écoutez bien, c'est à Paulin Broquet que nous allons le livrer. » À ces mots, il eut un mouvement dans la foule. « Rassurez-vous, mes amis, » prit Zygomar, « cet homme entre les mains de Paulin Broquet sera certainement cuisiné. On lui fera dire tout ce qu'on voudra. » Mais comme il ne sait rien, vous m'entendez? Absolument rien. Des projets de Zygomar, il ne pourra rien livrer de nos secrets. Il ne livrera donc à Paulin Broquet que ses secrets à lui, ceux de ses amis, de ses complices, de ses partisans, mais absolument rien des aides. Et plus il parlera, plus ce sera profit pour Zygomar, car Zygomar sera enchanté de voir Paulin Broquet se lancer perdument sur toutes les pistes que ce malheureux lui livrera. Pendant que Paulin Broquet cherchera ailleurs, Zygomar, très tranquillement, pourra réaliser ses exploits et marcher vers de nouveaux triomphes. La foule avait compris. Elle manifesta son contentement par de gros rires, de grands cris. « Vive Zygomar !» Il lui plaisait infiniment d'apprendre qu'on allait jouer Paulin Broquet et écarter pendant quelque temps son implacable ennemi. Zygomar reprit. « Mes amis, vous allez donc laisser passer cet homme en lui témoignant votre mépris par votre silence. » Il appela alors. « Le 1 et le 2, avancez !»